à la fin des années 70, la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Et c'est vrai que le premier centre d'hébergement, il était à Clichy dans le 92, il était tenu par Flora Tristan, puis il y avait d'autres SOS Femmes, voilà, qui ont décidé un jour de se réunir, justement pour être une force de lobby et de pression sur les pouvoirs publics pour aider et accompagner les femmes victimes de violences en modifiant les lois, mais aussi en créant des dispositifs spécialisés pour ces femmes. Donc ça, c'est le travail de fond. Il y a le travail d'accueil aussi. Comment ça se passe concrètement? Alors déjà, vous avez un numéro d'écoute qui est le 3919, hein, qui est le numéro national qui s'adresse à toutes les femmes victimes de violences, mais qui sont principalement des violences conjugales. Il faut savoir qu'à la fin des années 80, effectivement, vous avez parlé de Michel André, ce sont aussi avec Michel André qu'il y a eu cette première campagne de communication. Et en 92, suite à cette campagne de communication qui va montrer des milliers d'appels et créer la première ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, qui deviendra donc le 3919 un petit peu plus tard. Et puis à côté de ce numéro d'écoute, vous avez tous les lieux d'écoute et d'accueil qui sont en fait souvent les premiers lieux vers lesquels les femmes vont être orientées et s'adresser. Vous avez des professionnels qui sont à l'intérieur de ces lieux d'écoute, qui sont des psychologues, des juristes, des assistantes sociales, particulièrement bien formées, qui vont accompagner les femmes vers la sortie de la violence et la sortie de l'emprise dont vous avez parlé, mais aussi en essayant de lever tous les freins à cette sortie de la violence. Donc il y a tout ce travail autour de l'emprise, mais il y a aussi les autres freins, c'est-à-dire les conditions socio-économiques qui peuvent être parfois extrêmement compliquées, les questions juridiques, et donc elles vont être le cœur un petit peu d'un réseau qu'elles vont installer autour des femmes avec un travail auprès des services de police, auprès des assistantes sociales de secteur, auprès des professionnels de santé, auprès du tribunal. Et c'est à partir de là aussi qu'elles vont évaluer le danger et pouvoir très souvent orienter des femmes vers les services d'hébergement qui sont souvent des structures dédiées pour ces femmes victimes de violences. Et donc on a attendu des témoignages qui rappellent finalement ce qu'on entend encore aujourd'hui dans ces lieux d'écoute, d'accueil et dans ces centres d'hébergement. Reste beaucoup à faire, c'est vrai, mais on voit quand même en écoutant ce que vous dites, les progrès, heureusement, hein, qui ont été faits par rapport à des temps qui ne sont pourtant pas immémoriaux, qui ne sont pas si loin que ça, mais il y a eu de vrais progrès. Est-ce qu'on peut se satisfaire des progrès qui ont été faits, si on les met en rapport avec les chiffres qu'on citait tout à l'heure, enfin, ces femmes qui continuent à être battues et parfois on lit à une nouvelle, dans 3 jours, une femme mourra sous les coups de son compagnon. Je sais, c'est statistique, mais il y a presque une dichotomie entre ces progrès qu'on fait et ce constat qui est encore terrible. Oui, il y a quand même eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Il y a eu des financements, il y a eu des législations qui ont avancé. On est tout à fait d'accord. Après, je pense qu'il y a encore une méconnaissance de ce phénomène. Et surtout, les associations ont pendant longtemps cherché à faire sortir la violence conjugale de la sphère privée pour la mettre sur la place publique. Oui. Ça, c'est encore parfois compliqué à gérer pour les professionnels et pour d'autres personnes qui entendent ces femmes victimes de violences et qui se disent finalement ça me regarde pas, ça reste dans la sphère privée, je ne veux pas m'en occuper. Voilà, on avance quand même vers un mieux, vers un meilleur repérage. Après, je pense qu'il y a encore une difficulté dans le travail en réseau et dans le partenariat autour de ces situations de femmes en très grave danger. C'est-à-dire qu'il faut que les associations travaillent avec les tribunaux, avec les services de police, avec tous les autres partenaires autour de ces situations en extrême danger. Parce qu'une femme victime de violence, elle peut être en danger à n'importe quel moment dans son histoire de violence. Donc il faut vraiment avoir des équipes très spécialisées qui peuvent, autour de cette femme, instaurer finalement des protections, soit de l'hébergement, soit une ordonnance de protection, soit un téléphone grave danger, mais surtout être très très réactif. Il y a cette première question, et puis il y a la deuxième question, c'est la question du repérage. Parce qu'on a vu dans les témoignages qui ont été sur votre antenne que des femmes, finalement, parfois n'osent pas parler, elles sont dans la peur, dans la honte, et donc elles restent dans cette violence pendant très longtemps. Oui. C'est là où va être le rôle des premiers professionnels qui vont rencontrer ces femmes, de pouvoir poser des questions systématiques et d'arriver ensuite à les orienter. Est-ce qu'on a passé le cap? Pardon de vous couper, mais parfois, on a beaucoup de choses à se dire. Est-ce qu'on a passé le cap psychologique et psychosocial, je dirais, qu'on avait retrouvé, d'ailleurs, en parallèle avec la violence faite aux enfants? Ça se rejoint quelquefois, mais je parle des violences faites aux enfants, où il y avait cette mentalité des pouvoirs publics qui disaient, mais la sphère publique n'a pas entré dans l'intimité familiale. Ça, c'est un fléau, finalement, comme raisonnement. Hein. On en est sorti de ça, hein, ou pas? On commence à en sortir grâce aux campagnes de communication qui sont menées, mais voilà, il y a encore un peu d'omerta autour de cette affaire privée, finalement. Ça doit rester dans la famille. Puis il faut quand même se dire que C'est la sphère de l'intimité aussi dans un couple. Hein. Donc les femmes ont parfois du mal aussi à sortir de cette question d'affaires privées, surtout quand elles reçoivent des injonctions contradictoires de l'extérieur. On le voit régulièrement, c'est-à-dire qu'on peut très bien, mais c'est ton mari, il est dans une situation socio-économique parfaite, voilà, pourquoi tu vas le quitter? On entend ça aussi parfois des services de police, hein, pas tout le temps, parce que je pense qu'il y a aussi dans les services de police et de gendarmerie des professionnels qui font aussi très bien leurs actions, mais on a aussi un certain nombre de plaintes qui sont pas prises parce que finalement, voilà, il faut pas non plus exagérer, vous allez mettre votre mari en prison, il va être en garde à vue, qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous savez, un viol, finalement, c'est un crime, il va être condamné à 20 ans de prison. Donc voilà, ces femmes, on leur renvoie aussi ces injonctions contradictoires. Ouais. Et elles, qui sont déjà dans l'emprise, qui sont déjà dans la peur, dans la honte, vont avoir encore plus de difficultés à avec partir. La culpabilité, pour le coup. Avec la culpabilité, bien sûr. Est-ce qu'il y a une sociologie de ce fléau? Parce que j'ai l'impression que ça touche tous les milieux, c'est ce qu'on disait hein, dans le récit. Mmh. Vous confirmez, ça touche tous les milieux. Ça touche tous les milieux socio-économiques. Mmh. Après, je pense qu'il faut regarder aussi, c'est l'histoire de vie de ces femmes. C'est-à-dire que plus il y a eu de violence dans l'enfance, à l'adolescence, et puis très tôt dans la relation de couple, plus la sortie de la violence va être difficile. Mais on peut très bien avoir une femme qui n'a jamais connu de violence dans sa vie et qui va être victime aussi de violence. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui disait « Mais je ne comprends pas, 3 ans après, qu'est-ce que je suis devenue ? J'ai jamais eu de violence dans ma vie. Et là, aujourd'hui, j'ai perdu mon travail, j'ai plus d'amis, ma famille ne veut plus me voir, je suis complètement isolée. » Et donc, mais elle était dans la violence depuis 2 ans seulement. Elle a réussi très vite à s'en sortir. Vous dites depuis 2 ans seulement, hors 2 ans effectivement, c'est très long. Mais par rapport à tout ce que des femmes ont caché pendant des années, je comprends vos discours, mais même 2 ans, c'est tout à fait très long. C'est très long. Et justement, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, et il a fallu effectivement retisser un petit peu son histoire dans cette violence avec cet auteur de violence. Et démontrer que depuis le début de la relation, il y avait des violences psychologiques, verbales, des insultes dont elle ne s'était pas vraiment rendue compte. Cette question de la jalousie aussi que vous avez évoquée. Et puis vous avez des femmes qui vont avoir un parcours de vie dans la violence très jeune et qui vont vivre 10, 15 ans, 20 ans. On a vu aussi ces exemples dans la violence et ne pouvant pas, en tous les cas, n'ayant pas trouvé les ressources extérieures pour pouvoir quitter l'agresseur. Quels sont nos devoirs civiques? Alors, pas vous, parce que vous êtes spécialisé dans la lutte contre ce fléau et le soutien des victimes, mais nous, tout un chacun, qu'est-ce qu'on a comme devoir civique en société? On doit pouvoir repérer une femme qui va mal, lui parler, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans aller dans la délation, là ça devient compliqué, parce qu'on peut, la frontière entre la conscience civique et la délation est parfois un peu ténue, un peu poreuse. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Bah déjà, je pense qu'il faut, à partir de, je dirais, d'antennes, observer un petit peu ce qui se passe autour de nous. Quand vous êtes dans une soirée où vous avez quelqu'un qui commence à mal parler à sa conjointe ou à sa copine ou à l'insulter ou à dire des choses un peu désagréables, dénigrées, il faut se poser la question, tiens, c'est un peu étrange ce qui se passe là. Et peut-être à ce moment-là, éventuellement, parler à cette femme de façon confidentielle, sans son conjoint, en disant, tiens, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison? Est-ce que tu veux m'en parler? Voilà, ça, ce sont des petits éléments. Je crois qu'il faut vraiment avoir des antennes. Il ne faut pas hésiter à intervenir non plus si on voit une femme victime de violence dans la rue, ou dans l'espace public, dans le travail, dans les transports, voilà, se mobiliser aussi chacun et chacune pour dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe, voilà, et d'intervenir dans cette relation, voire d'appeler les services de police. Enfin, voilà, il y a aujourd'hui de donner un numéro de téléphone. Enfin, il y a des moyens d'intervenir qui sont possibles. Après, voilà, il faut laisser la victime aussi aller à son rythme. Quand on est un proche d'une femme victime de violence, il ne faut pas se décourager. Les femmes ont du mal à partir. On compte à peu près 10 allers-retours au domicile. Oui. Toujours laisser sa porte ouverte. Évidemment, pour les voisins, il faut pouvoir appeler les services de police quand éventuellement il y a du bruit, de la violence. Et ça, on l'entend souvent, hein, des interventions grâce aux proches ou grâce aux voisins. Voilà, tous ces éléments qui font que la société entière, finalement, doit se sentir concernée par ces violences. Pourquoi l'Espagne a souvent été montrée en exemple, notamment à la suite d'une loi votée dans ce pays en 2004, c'est ça? Qu'est-ce que les Espagnols ont mieux compris que nous et en quoi sont-ils plus efficaces? Alors, les Espagnols ont placé la question des violences faites aux femmes dans une loi, ce qu'ils appellent la loi globale, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que les violences à l'encontre des femmes, c'était dû aux inégalités femmes-hommes, et au sexisme. Mmh. Et ce qui fait qu'à partir de là, toute la tout le parcours des femmes, finalement, est comprise dans ces violences sexistes. Et donc, ils ont mis en place des tribunaux spécialisés, vous avez des magistrats spécialisés, qui ne traitent que d'affaires de violences à l'encontre des femmes. Ils prennent en compte également tout ce qui peut être autour, sur les questions économiques. Par exemple, dernièrement, ils ont prévu qu'une femme, quand elle perd son emploi, aura un certain nombre d'aides. La question des enfants aussi, qui est aussi au cœur du dispositif. On va y venir. Oui. Voilà. Donc, pragmatique, finalement. C'est très pragmatique, voilà, c'est de bon sens. Et je pense que la question de la spécialisation aussi. C'est important que tous les professionnels soient formés au repérage des violences. Mais après, une fois que les violences sont repérées, il faut vraiment des spécialistes pour traiter ces questions de violence au regard de la sécurité et du danger qui existent. Donc on les a parfois dans les services de police, mais ils sont pas assez nombreux et souvent pas assez formés. Vous les avez aussi parfois au niveau de certains tribunaux, avec des magistrats qui sont particulièrement spécialisés dans la question des violences conjugales. Vous pouvez aussi avoir des médecins référents et vous avez les associations spécialisées. Voilà, je pense que cette spécialisation, en tous les cas sur les femmes en très grave danger, c'est essentiel. Vous avez parlé des enfants et je comptais venir précisément. En 2015, 36 enfants sont morts concomitamment à l'homicide ou à la tentative d'homicide de leur père ou de leur mère. Je vous propose d'écouter un extrait des déclarations de cette femme qui était témoin des violences de son père contre sa mère. C'était en 1975. Je me rappelle qu'une fois, mon père a décrété que le pain était trop dur. Il s'est levé, a pris le pain, l'a lancé par la fenêtre, a renversé la table. Ma mère a poussé un haut parce qu'elle était un peu indignée et il s'est mis à la taper. Ça a duré durant toute mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. Nous avions l'impression qu'elle essayait d'échapper au coup, qu'elle essayait de s'enfuir. Dans ces cas-là, il la rattrapait par les cheveux, il la traînait sur des mètres, mais qu'elle ne se défendait pas réellement, c'est-à-dire qu'elle n'essayait pas elle-même de donner des coups. Et nous le lui demandions, et elle nous répondait systématiquement, ce n'est pas bien d'avoir de telles pensées, on ne doit pas dire de telles choses. Moi, j'essayais de la défendre et je tiens à le préciser, mon père ne m'a jamais battue. Mais quand je l'empêchais de battre ma mère, il voulait se dégager de ma pression et il me repoussait. Violemment, bien entendu, puisqu'il était en colère. On imagine mal que des enfants témoins de violence conjugale n'est pas de séquelles psychologiques, évidemment. Qu'est-ce qu'on sait de l'impact de ces violences sur les enfants et sur ce qu'ils deviennent aussi? Deviennent-ils parfois aussi, pour des garçons qui deviennent des hommes, des maris violents? Il y a deux questions dans ma question. Oui, alors les enfants sont toujours impactés par les violences conjugales, qu'ils soient exposés à ces violences, c'est-à-dire pas victimes de violences directes ou victimes de violences directes, parce qu'il faut, pour avoir travaillé avec un certain nombre de services d'aide sociale à l'enfance, certains services disent maintenant qu'effectivement, en repérant un peu mieux ces enfants, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de violences conjugales parmi les enfants maltraités directement. Mmh. Donc ça, c'est une première chose. Les enfants, ils sont aussi impactés que leur mère. Ça veut dire qu'ils ont des troubles du stress post-traumatique comme leur mère. Parfois, une incapacité aussi à réagir. Ils ont peur, ils ont honte. Derrière, les conséquences, ce sont des conséquences scolaires. Comment on peut penser qu'un enfant qui voit des violences à l'encontre de sa mère le soir va être concentré à l'école le lendemain matin? Bien sûr, c'est impossible. On peut l'imaginer, évidemment. On observe des conséquences dramatiques sur ces enfants. Donc, ils sont dans un état psychologique, physique, très, très dégradé. Donc, il faut s'occuper de ces enfants. Il faut leur permettre aussi d'avoir accès à la fois à des activités. Dans nos centres d'accueil et d'écoute et d'hébergement, on a ces activités collectives pour ces enfants, pour leur permettre d'exprimer leurs paroles, etc. Et il faut aussi leur permettre, à un moment donné, de sortir de la violence avec leur mère. Et donc, l'idée, c'est aussi de les mettre en sécurité avec leur mère dans ces centres d'hébergement le plus rapidement possible. Ça, c'est une première chose. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on a encore un peu des difficultés et des améliorations à porter sur cette question. Parce que la séparation n'arrête pas les violences. Donc, les enfants sont à la fois impactés pendant que leur mère est effectivement victime de violences directes, mais derrière, l'agresseur va utiliser les enfants pour poursuivre les violences. Et ils continuent à être impactés pendant des années. La séparation, à un moment donné, si elle n'est pas... si elle ne se déroule pas dans des procédures civiles, on va prendre en compte les violences conjugales et donc confier l'enfant à la mère. Oui. et éviter que l'agresseur ait des contacts directs avec eux pendant un certain temps, en tous les cas encadrer ses droits de visite et d'hébergement, les limiter aussi parfois, on va se retrouver avec des violences post-séparation qui vont perdurer des années et continuer à mettre ses enfants dans des situations dramatiques. Et est-ce qu'on a vu parfois des corrélations entre maris violents qui auraient été des petits garçons dont le père lui aussi avait été violent ou pas ? Oui, il y a bien sûr des enfants qui ont été élevés dans la violence et qui vont, à l'âge adulte, reproduire. Mais on a aussi des enfants qui vont devenir victimes. C'est-à-dire des enfants qui, à force d'avoir vu leur mère victime de violence, vont être aussi dans une position de victime à l'école, à l'extérieur, et vont être aussi en grande difficulté. Alors, heureusement, on ne va pas non plus systématiser, mais voilà, ça fait partie aussi des risques à l'âge adulte de reproduire ces situations de violence. Une autre violence conjugale, parce que c'est pas un autre sujet, c'est dans le sujet, c'est la question du viol conjugal. On l'a abordé pendant le récit. Je vous propose d'écouter un extrait maintenant d'un reportage d'Alice Gauvin et de Julien Abbasbza. Il s'agit du témoignage de Nadège qui a lancé une procédure contre son ancien compagnon avec d'autres femmes, elles aussi victimes de cet homme. Et là, j'arrive dans la chambre, et là, il m'attrape par les cheveux et tout. Il me dit, ouais, tu veux te conduire comme un bonhomme machin, rester dans le salon, pas venir te coucher quand moi je vais me coucher. Il me dit, c'est moi qui décide ici et tout. Il me dit, de toute façon, t'es qu'une pute, t'es une salope. Il me dit, bah là, je vais te montrer comment t'es une salope et tout, t'es machin. Il me dit, bah là, je vais bien te prendre comme une salope. Et j'étais enceinte de 8 mois, un truc comme ça. Donc, il n'y a pas eu de préliminaire de tout ça. Hein. Il est allé direct par derrière et j'avais beau hurler... de douleur, de désarroi, de je ne sais pas, de tout. Et bon, en fait, il continuait. Au début, je me débattais en fait à mettre mes mains et tout, à essayer de le retenir et tout. Et en fait, après, ben, j'avais plus la force du tout parce que là, il était en train de me tuer en fait. Voilà. Et après, ben, il a fini et il me dit de toute façon, il me dit t'avais beau gueuler, il me dit j'en suis sûr que t'as aimé. Voilà. Voilà, on donne la priorité au témoignage, parce qu'il n'y a pas parole plus forte et plus légitime que celle de ces femmes qui ont été victimes. Rendez-vous compte que 37% des viols sont commis au sein même du couple. Alors là, on est encore plus dans le tabou, parce qu'on est dans l'intimité de l'intimité. Comment on en sort de ça ? Eh bien, je pense que c'est très difficile pour les femmes victimes de violences conjugales de parler d'abord du viol, mais il faut qu'elles en parlent. Et c'est important d'expliquer, en tous les cas, dans ces moments où elles vont être dans des lieux confidentiels, de pouvoir parler de ces violences sexuelles qui sont extrêmement traumatisantes. Dans nos centres d'hébergement, souvent les femmes en parlent après plusieurs mois d'hébergement où elles ont confiance. Donc voilà, c'est quand même un sujet très tabou, mais il faut vraiment avancer sur cette thématique. C'était le devoir conjugal. Donc, voilà, on a encore, effectivement, comme vous le dites, ces stéréotypes. Et puis surtout, il faut aussi que ce soit vraiment reconnu par la loi et dans l'application des lois. Hein, déjà, il faut supprimer les délais de prescription, il faut que les femmes puissent aller en justice, rester en justice très longtemps après. Il faut pouvoir aussi que ça s'applique aux ex-conjoints et concubins, ce qui n'est pas encore le cas. Et il faut pouvoir permettre aussi une reconstruction suite à ces viols. Bah, le législateur a fait des progrès. Apparemment, il a encore du travail. Hein. Oui, merci. Et surtout dans l'application des lois. Merci infiniment, Françoise Brié, pour toutes les précisions que vous nous avez apportées sur ce sujet douloureux des violences conjugales. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les violences conjugales, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les attentats de la rue Copernic à Paris en octobre 1980.